بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نبدأ مباشرة. يعني حينما سنسير الأربعين مسألة، quand on va arriver à 40 مسألة، إن شاء الله on va les récapituler. On va les reciter histoire de ne pas les oublier. Et Annie en une session, juste pour se le rappeler en guise de muraja, de révision. Naam. Inch'Allah ta'ala. Faqala, al-mas'ala al-sabi'a wa thalathun, qui est la 37e leçon. Bi'unwan, ittikhadhuhum al-akhbar wal-ruhban arbaban min dunillah. Qu'ils ont pris les rabbins et les moines en tant que seigneurs à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله تعالى التعبد باتخاذ الأخبار والرهبان أربابا من دون الله. Qu'ils adorent Allah en prenant leurs rabbins et leurs moines comme seigneur en dehors d'Allah سبحانه وتعالى. طيب. Et comme on قبل نبدأ في شرح هذه المسألة يعلم أن هذه المسألة من أكبر مسائل اليوم وجدت في يعني بعض الناس ينتسبون إلى السلفية. Aujourd'hui ça c'est l'un des plus grands problèmes présent chez les gens qui s'attribuent à la salafia aujourd'hui, qui est la sanctification des sabres. Un point qui a été mal compris, qui fait partie des fondements de la religion même, de la salafia, de revenir au ulama, d'apprendre des ulama, de respecter le ulama, de les aimer, de les défendre, et de leur obéir, comme le Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et aux détenteurs des seigneurs, aux détenteurs du pouvoir d'entre vous. Et il y en a qui ont fassar, détenteurs du pouvoir, أولي الأمر منكم, comme étant les ulama. Il y a une fille أمراء والعلماء. Il y a les gouverneurs et aussi les ulama. طيب. لكن هذه الآية جت على صيغة غير مطلقة. Ce n'est pas dans l'absolu. Il y en a Allah qui allait attirer Allah wa attirer Rasul wa ulil amr minkum. Obéissez à Allah et obéissez à son messager et au détenteur du pouvoir. Allah n'a pas dit wa attirer ulil amr minkum. Le verbe obéir n'est pas revenu une troisième fois pour dire qu'en fait notre obéissance au ulama doit être basée sur l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le alim, on n'obéit pas dans l'absolu. D'accord. والحجه هي القران والسنه ايه ولا العالم بنفسه. L'argument c'est le Coran et la Sunna et non pas le savant lui-même. Le savant qui vient avec une parole qui est conforme au Coran et à la Sunna, on lui obéit, on prend sa parole, quand bien même serait-ce un alim de la bid'a. Bien qu'on ne verra pas un alim de la bid'a venir avec un qaul qu'aucun alim de la Sunna n'aurait dit avant lui. Ça c'est dans une fatwa, ce genre de choses. Ce n'est pas concevable. Quoi qu'il en soit, le alim, c'est quelqu'un qui nous apprend justement ce kitab, cette sunna, comment l'appliquer, comment y revenir, et comment être bien dirigé. Cela ne veut pas dire qu'il est infaillible et que tout ce qu'il dit est un argument. Et aujourd'hui, des gens ont pris le kalam du savant comme étant un argument. C'est-à-dire, si un savant a dit une chose, pour eux, ça peut être que vrai. On ne peut pas se tromper. Si jamais quelqu'un viendrait à réfuter, pour contester, on dit qu'il insulte les savants, qu'il ne respecte pas les savants, ou je ne sais quoi. Et ça, c'est parmi les masselles de la jahiliya, tamam. Donc là, aujourd'hui, beaucoup de gens disent tout le temps les savants, les savants, les savants, dit naam, les savants. Mais avant de dire les savants, les savants, les savants, on dit le kitab wa sunna, en ménage et salaf. Les savants qui censurent cette voie-là. Et que leur parole coordonne avec cela et qu'ils nous enseignent cela. Ils n'enseignent pas autre chose. Donc pour aujourd'hui, quand une personne vient, on dit c'est un savant, ça veut dire que quoi qu'il dise, il a raison. Et que quoi qu'il fasse, il a raison. Et que tant que c'est un savant salafi pour eux, un grand savant comme ils aiment dire, il ne peut pas dévier pour eux. C'est-à-dire, quelles que soient les erreurs qu'il fasse, il faut les interpréter, il faut les excuser, faux. On dit, non, il faut excuser. Ça dépend de la situation, ça dépend de l'erreur qu'il a fait, et ça dépend comment s'y est pris, et ça dépend quand ça amène. Et tu vois des gens dire que le savant, quand il fait une erreur, qu'il faut soi-disant respecter le savant, qu'il faut réfuter son erreur avec respect. Et lorsque les savants ils viennent à faire des erreurs, ils se taisent. Ils se taisent, ils ne disent rien du tout. Fakulu, ce n'est que du mensonge. Donc là, c'est une chose à faire attention. Les savants, naam, ala ras wa rein, ils sont au-dessus de nos têtes. Ils sont devant nous. On leur obéit. Mais est-ce que notre obéissance est dans l'absolu? Non. Notre obéissance revient à leur obéissance à eux. Notre obéissance est basée sur leur obéissance à eux. Tant qu'ils obéissent à Allah et à son messager, c'est comme le gouverneur. La différence, c'est que le savant, lui, c'est une obéissance même religieuse, c'est-à-dire dans les choses qui sont que seul lui peut connaître par rapport à sa science. Alors que le gouverneur, ça touche même à la dunya. Un savant qui te fait une fatwa dans la dunya, il ne peut pas t'imposer une chose, que c'est une chose qui revient à toi. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Antum a'lam bi umur dunyakum. Vous êtes plus savant des choses de votre dunya. Un savant ne peut pas te forcer, la salaine demain, à peindre ta maison en rouge. La salaine. Ça, c'est pas une chose qui lui revient à lui. Il peut te conseiller, ça. Le gouverneur, lui, peut le faire. Peut t'imposer, dire ta maison, tu l'as fait de telle et telle façon. Car dans mon pays, je veux que les maisons soient comme ça. On doit lui obéir. À ce moment-là. Tant que cette façon de construire la maison ne contient pas de mukhalafa, shadaïa. Mais le alim, lui, c'est par rapport au dîn. Par rapport au dîn. Donc tant que lui, il reste sur la science du kitab wa sunnah, on prend son qaul. Et quand son qaul n'est pas conforme, on ne le prend pas. Et, en effet, si jamais c'est un savant de la sunna connu, on lui répond, on lui démontre avec le respect qu'il lui doit. Et le respect qu'il lui doit ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas des fois de la sévérité dans le kalam. C'est une erreur qui est énorme, qui amène à beaucoup de graves conséquences. On peut lui répondre avec dureté et sévérité. Et des sahaba l'ont fait entre eux, se sont réfutés avec des paroles sévères. Et des salafs l'ont fait. Et des savants, actuellement, l'ont fait. Donc, employer un terme sévère avec un savant, la différence entre sévère et irrespectueux, ce n'est pas pareil. Tu peux être sévère en quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu lui as manqué de respect. Sévère, c'est-à-dire que tu employes des termes forts, un ton strict, pour faire comprendre que la chose, elle n'est pas à prendre à la légère. Ça ne veut pas dire que tu lui as manqué de respect. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà été sévère avec ses compagnons, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas. Un tafetan yamouav. Il a dit à Mourad, ce que tu as fait, Tania Mourad. C'est un calame qui est sévère. Est-ce qu'il respectait pas Mourad? Alors qu'il a bien dit dans d'autres hadiths, Ya Mourad, inni uhibbuka fillah. Oh Mourad, je t'aime Allah. Et les gens, ça, ils n'arrivent pas à comprendre entre le terme strict, sévère, et le manque de respect. Pourquoi? Car ça rentre à cette mas'ala-là par rapport aux savants. Pour eux, ils les ont mis à un statut plus haut que celui que Allah SWT leur a accordé. Non. Donc là, on revient au. ومتن قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا à propos des Yahoud et des Nasara, que Allah dans le sens il a dit qu'ils ont pris leur rabbin, c'est-à-dire les seigneurs, les ulama des Yahoud, et leurs moines qui sont les Zuhad, les dévots, les adorateurs parmi les Nasara. Ils les ont pris comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou al-Messih de Maryam. Alors qu'il leur a été ordonné que de l'adorer une seule divinité. Quelle est cette adoration qu'ils ont fait? Comme un Qur'an, حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيطيعوهم هؤلاء ويعتبرون هذه أو يعتبرون هذا عبادة حيث يقولون طاعة العلماء واجبة. Cette adoration, où est-elle? Du fait que ces savants et ces moines ont rendu haram ce qui était halal ou le contraire. Et que les gens les ont oubliés en cela. Et pour eux, c'est une ibada. Pourquoi? Car ils disent que obéir aux savants, c'est une obligation. Et ça, c'est kalam haq urida bi batil. C'est une parole de vérité, mais qui cache du faux également. Donc le shir dit فَنَقُولْ تَعَتُمْ وَاجِبَا إِذَا أَطَعُوا اللَّهُ أَمَّا مَنْ خَالَفَ تَعَاتَ اللَّهُ فَلَا تَعَاتَ لَهُ. Donc, comme on avait dit au début, il a dit que notre obéissance envers eux est obligatoire tant qu'eux obéissent à Allah. Et celui qui s'y oppose, on ne lui obéit pas. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لَا تَعَاتَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc après, il dit, celui qui les suit dans tout et qui les suit même dans ce qu'ils ont rendu illicite alors que cela illicite aurait les indicats, طيب les a pris comme seigneur droit dans l'aspect là car le tahlim ou le tahlil هذا من شرع الله ça revient à Allah seulement seul ashrakuhum ma Allah qu'ils ont associé ils les ont associés à Allah en faisant cela donc il n'est pas mis à personne de rendre halal ou haram en dehors d'un dalil comme قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Ne proclamez pas avec vos langues que cela, le mensonge en disant que cela est halal ou que cela est haram pour mentir sur Allah, pour forger un mensonge sur Allah. Ceux qui forgent des mensonges sur Allah ne réussiront pas. Ce n'est que peu de réjouissance pour eux et par la suite ils auront un dur châtiment. Donc il dit bien, on n'oublie pas au ulama dans l'absolu. On regarde s'ils ont raison, s'ils ont tort. S'ils ont raison, on prend leur calame. S'ils ont tort, on le délaisse. Et après, on a dit, comment on le délaisse, ça dépend de l'erreur, ça dépend du savant. Ça dépend après. Faut voir. Mais la base dans le alim salafi, naam, c'est de délaisser l'erreur, mais le savant garde son statut, et garde l'amour qu'on doit lui porter, et réalise les quatre ans qu'il est sur la sunna. Mais il y a des erreurs qui te sortent de la sunna. Après. Des erreurs qui peuvent être commises, qui sortent de la sunna. Et si cette erreur, il persiste dessus après qu'on lui ait démontré l'erreur, et qu'en plus ça amène à une furqa, de se désavouer pour cette erreur, alors là c'est de la bid'a. Tamam. Par contre, il dit bien celui qui suit un alim. Amma law kunta la ta'lam anna hadha al-alim mukhti, fa anta ma'zur. Par contre, si jamais tu as suivi un savant, mais tu ne savais pas qu'il était dans l'erreur, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas démontré, là tu es excusé. Mais le jour où on te demande des preuves clairement que ce que ce savant a dit est faux, et que tu persistes, tu prends le péché. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme le chien le cite, si tu suis le savant, même s'il se trompe, toi tu n'as rien à te reprocher. C'est lui qui prendra l'erreur. C'est pas permis de dire cela. Car yom el qiyama, tu porteras le péché que tu auras commis si tu as su la vérité. Que ce soit un savant qui te le dit, que ce soit n'importe qui te le dit, un prédicateur ou je ne sais qui, un kalem qu'on t'a dit, que tu as accepté et qu'on t'a démontré par la suite qu'il était faux, et tu as persisté dessus, ce n'est pas celui qui te l'a enseigné, c'est moi qui prends l'erreur. Lui prend l'erreur, plus de ton erreur à toi, et toi tu prends ton erreur à toi aussi. Ah non. Donc suivre le savant dans l'erreur, ne pas croire que c'est une chose qui va te préserver de recevoir un péché. Et aujourd'hui, comme on l'expliquait, fortement présente chez beaucoup de gens qui s'apprentent à la salafia, avec un amour exagéré dans les individus. Voilà, Azbillah. Quand on a fait le masalati, samina, wa salafin. 38e leçon. 38e masala. Ilhaduhum fi asma'illahi wa sifatihi. Yani, ilhad, comme ça va venir, yani, c'est une forme de blasphème dans les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans ses attributs. D'accord, al-ilhadu fi sifat, kakawalihi ta'ala, walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'amaloon. Dans le sens où Allah dit, cependant vous pensez que Allah ne sait pas beaucoup de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez. فَقَالَ الشَّيْخُ فَوْزَانَ فِي شَرْحِ الصِّفَاتُ أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. Donc les sifat, les attributs sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même. C'est-à-dire basé sur une preuve. فَقَالَ وَلِلْحَادُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَهُ الْمَيْلُ الْلِلْحَادُ لُغَةً c'est-à-dire le penchant. عن الاستقامة c'est-à-dire de sortir, de pencher pour autre que la droiture. Et ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Elle mêle un sifatillah min zalika nafiwa anhu subhanahu wa ta'ala. Donc là, l'ilhad qui est venu là, c'est le fait de renier le sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il dévie de la vérité. Il dévie de la vérité. Faqala, fa'alul jahiliya yulhiduna fi sifatillah bima'na annahum yajhaduna bima'na annahum yajhadunaha wa yunfunaha anillah. Donc il dit les gens de la jahiliya, eux, justement, ils font de l'ilhad dans les sifat d'Allah, c'est-à-dire ils les renient. Ils le refusent. Peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entre elles en tout cas. Et c'est quoi la preuve? Ce verset cité. Pourquoi? Car ces gens-là ont cru que Allah ne savait pas ce qu'ils faisaient, ne savait que peu ce qu'ils accomplissaient. Donc qu'est-ce que ça amène? Qu'ils ont renié la sifat du ilm. Que Allah ne sait pas ce qu'ils font. Donc ça c'est le shahid du verset. Hein, comme a dit. Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Cependant, vous avez pensé que Allah ne savait pas ou très peu ce que vous accomplissiez. Donc pour eux, sifat al-ilm, attalouha. Donc là, il dit, et cette masala, elle est présente aujourd'hui également chez les gens de la bid'a. Beaucoup. Mais c'est le Jahmiya, ou le Mu'tazila, ou le Asha'ira, ou le Maturidiya. Eux sont déjà des sectes qui, justement, se sont noyés dans ce sujet. Al-Asma wa Sifat. Qu'ils ont renié des noms d'Allah, certains les ont tous reniés, et les sifats d'Allah, certains les ont toutes reniés, et certains les ont interprétés. Et l'interprétation amène à la renier, car tu renies sa réalité. Donc tu la refuses. Et ça, c'est sou'ezon billah, c'est une mauvaise pensée envers Allah SWT. Donc ça, al-ta'til fil asma wa sifat, hadha min masail jahiliya. Le fait de supprimer les noms d'Allah SWT ou de ses attributs, cela rend dans les masail de la jahiliya. قال في المسألة التاسعة المسألة التاسعة وثلاثين 39 ما هو الإلحاد في أسماء الله donc là c'est comme l'autre sauf que là c'est les asma طيب الإلحاد dans les noms d'Allah سبحانه وتعالى فقال كقوله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن Et eux, ils mécroient au Rahman, au tout miséricordieux. Donc la masala d'avant, c'est la même que celle-ci. Sauf que maintenant, celle-ci, elle est liée au plus beau nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amal asl ou sawa, c'est la même base. Donc, quand elle fait charh, elle jahiliya, yulhiduna fil sifat ou yulhiduna fil asma. Et il fait asma illa ta'ala. Fainfunaha. Donc, ça veut dire qu'il les renie. Il renie les sifat, et il renie le nom d'Allah. Ce n'est pas tous certains. Comme dans le verset, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ qu'il mécroit au Rahman. Enfin, le Rahman, c'est parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, هَذَا مِنْ أَسْمَى الَّتِي تَخْتَصُ بِهِ ce sont parmi les plus beaux noms qui ne reviennent qu'à lui. Nul ne peut être nommé Ar-Rahman en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des noms qui sont mushtarika. On peut trouver le terme employé pour la créature. Et il y en a d'autres qui sont, dans l'absolu, interdits. Que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme, justement, celui-là. Ar-Rahman. Et là, il cita, par exemple, comment ils ont fait le Rahman? Dans le sulh del Hudaybiyya, le pacte de paix qui a lieu à l'Hudaybiyya entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Mushrikoun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé un scribe pour qu'ils écrivent justement leur accord. Et il a dit, au début, il écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, Suhail, qui était le représentant le délégué des Mushrikoun, il a dit quoi? Que le Rahman, on ne sait pas c'est qui le Rahman. On ne connaît pas le Rahman. Le seul Rahman qu'on connaît, c'est Musaylama. C'était un homme parmi les mouchikines qui était appelé le Rahman à l'époque. Donc là, Allah SWT a fait descendre « Wa hum yakfulun bir Rahman »« Qul huwa rabbi la ilaha illahu ali tawakkalt wa ilayhi matab » Donc, dans le verset, dans le sens où Allah dit « Ils ont mécru au Rahman » Donc dit « Il est mon Seigneur, l'une des divinités digne d'être adorée en dehors de lui, sur lui que je me repose et c'est vers lui que je me repens. » Et également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat à Mekka et que dans son soujoud, il disait à voix haute que les gens l'entendaient Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Qu'il appelait Allah, Ya Rahman. Certains des mouchtikoun, ils ont dit Regardez celui-là. Il prétend qu'il adore une seule divinité et il dit Ya Allah, c'est-à-dire pour eux, c'est Allah la divinité. Il dit Ya Rahman, c'est qui Rahman? Donc il adore deux divinités. Ils n'ont pas compris. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى donc il dit dans le sens Allah il a fait descendre invoque Allah ou invoque Ar-Rahman طيب quel que soit comment tu l'invoques c'est-à-dire parmi les noms que tu emploies qui sont les siens il est les plus beaux noms ça revient au même parce que tu dis Allah Ar-Rahman ça revient au même bien que des fois dans certains sujets certains noms sont plus à même d'être employés ça dépend du doa que tu fais. Et certains noms également peuvent être plus grands que d'autres. Par exemple, Allah wa al-ism al-a'zam, ala al-qawl al-sahih. Donc le fait que Allah ait plusieurs noms, cela ne veut pas dire qu'il ait plusieurs divinités. Mais au contraire, que la multitude de ces noms démontre sa grandeur. Démontre sa grandeur. Donc là, ça revient à cette mas'ala qui est l'ilhad fi al-asma wa sifat. Que cela fait partie des mas'ala de la jahiliya. Et souvent, on dit également, pour dire athée, on dit mulhidin. C'est celui, en fait, qui s'est penché de l'iman lil kufr. C'est-à-dire qu'en fait, il a renié la foi. Et voire même, comme ça va venir maintenant, l'existence d'un créateur. Bima wa a'zam. Taïb. Quand on est, fil mas'alati arba'in. 40e mas'ala. Juhud ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Le fait de renier l'existence du Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. At-ta'til kakouli ali fil'aoun. Que là, c'est la suppression, comme l'ont fait les gens de Fil'aoun. Le peuple de Fil'aoun. Quand on est fil sharh. At-ta'til fil asl ikhala al-shay. Ta'til, c'est le fait de supprimer une chose, de la rendre néant. Tamam? Ta'til, c'est le fait de supprimer une chose. Quand tu dis abtaltu kaza, et akhraytu. Donc là, al-murad huna ikhala al-kawn an khaliqi. C'est le fait de séparer l'être de son créateur. C'est-à-dire que l'être, il est venu tout seul, il n'a pas de créateur. Le fait de renier l'existence du créateur. Et que tout cela est venu naturellement, comme le disent les athées, la théorie de l'évolution, d'après eux. D'accord? La théorie de l'évolution, d'après eux. Donc, c'est la même chose. Donc, cette mas'ala, celui qui est le premier à l'avoir prétendu, qui est le salaf des athées aujourd'hui, c'est Fil'aoun. La'anatullah alayhim ajma'in. Ala Fil'aoun, ولا الملاحدة على كلهم كما قال فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون حيث قال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري كفرعون il a dit quoi ô vous les notables je ne vous connais pas d'autres divinités comme moi mais comme le shir le dit cela il n'a dit cela que par orgueil et obstination et entêtement. Ce n'est tout. C'est tout. Dans le verset, يقول الله سبحانه وتعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لا ظنه كاذبا. Dans le sens où Allah il dit que Pharaon il a dit oh Haman, construis-moi une tour immense. Il se peut que j'atteigne les cieux et que je rejoigne la divinité de Moussa, car ça je le crois menteur. Donc là dans ce kalem, Fil'aoun reconnaît l'existence d'un seigneur à Moussa et lui-même affirme qu'il est au-dessus des cieux. C'est-à-dire que même Fil'aoun, qui était le père des athées, contrairement à des mu'attila aujourd'hui qui se disent muslimines, il reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Même lui. C'est-à-dire que Fil'aoun, dans son égarement extrême, avait un haq qui n'est pas présent aujourd'hui chez des gens qui s'apparentent à l'islam. Ça, c'est adib. Donc, il dit justement, c'est pas possible que même ta fitra, ta nature première et ta raison, elle-même refuse que tu n'aies pas de créateur. Qu'une chose n'a pu exister sans créateur. Qu'une action n'a pu être commise sans fa'il. Rien ne vient comme ça tout seul. Par hasard, comme ils le disent. Ça n'existe pas, ça. Et la simple présence de l'homme est une preuve contre eux, qu'il y a un créateur. Et surtout quand on voit comment l'homme est constitué, comment il est formé, on voit que cette chose-là n'est pas arrivée toute seule, et ce n'est pas une simple évolution. Mais c'est qu'il y a un créateur, Azim, Kabir, Alim, Qadir. Donc là, le fait de renier également l'exemple du créateur, cela est parmi les masses de la Jahiliya, et le premier qui a lancé cette croyance, c'est Fil'aoun. L'anatullah alayhi. Et nous avons précisé que cela n'est qu'une prétention et au fond de lui, il y croit. Il est athée également. Au fond d'eux, ils y croient. Seulement, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a pris 4 masa'il. On a appris le fait qu'ils ont pris leur seigneur, qu'ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. L'ilhad fi asma'illah. On a pris l'ilhad fi sifatillah, et après on a pris l'ilhad fi wujud al-rab, le fait qu'ils ne croient pas, qu'ils ont renié les noms et attributs, et voire même le sens du Créateur. Fabien al-Qadr naktafi wa nakul wa alhamdulillah rabbil alamin.